Maya miso nangai Eliseo Seko tanga tanga tanga Soke kwe ya kesi kamoko Mele salali ziba biju Je suis resté seul ngai moko e Yo e pa ya kende obosa nangai Loko la obosa na bibero Omela kitango sala ki bebe Tu n'es pas seul, aux alliés, au mon côté, au bijou. Nama boko ya moto, les yeux dans les yeux. Au melaka, ma sanga, kopo, mon corps. Iwaka, mon kouzi. Jerry Dialungana. Loboko ya bana, ok. Toucher, jouer. Miami, Sonangai, Eliseo. Seko tanga, tanga, tanga. Soke kwe ya ke si kamoko. Mele salali si babowa. Seul ngai makoe, yo e pa yo kene obosa nangai Loko la obosa na biberon, omela kitango zala ki bebe Oambo mae, wabi fantom La routine, tu n'es pas seul, ozali yo mokote o bijou Na maboko ya moto, les yeux dans les yeux, omela kama sanga topo moko Kosonge la ngai, ngai pena zela kakaka yo Nenge ba kristu tozela kamokolo yezu akosonge la biso Olo bakyo kosonge la ngai, ngai pena zela kakaka yo Nenge ba kristu tozela kamokolo yezu akosonge la biso Passa. Ale moni. Oh commandant. Sex. Nakati a bombe. Si quand tu as problème en main. Amoureux fantôme, Wayne Saya Kelly, la féroce, ma catégorie. Show.